Yeah. Ma vie sans rap, ouais. Ma vie sans rap, ouais. Yeah. G-A-N-M-A-N-G. T-I-B-N. Yeah. Une fois, j'ai plus qu'à. T'entends? Yeah. Ma vie sans rap. Yeah. J'en ai marre, n'arrête toujours des malheurs et peu de bonheur. Mais dans ce monde, pour surmonter tout ça, faut la force de pénure. Le monde bouge, mais n'évolue pas. Toutes mes erreurs et galères, je n'en voulais pas. Mais j'ai pas le choix, donc je fais avec. Elles me servent d'expérience dans ma vie avant que Dieu me convoque. Je rappe par amour de la phase et du son, sans jamais envisager de passer sur le plateau d'artisson. Je veux rester anonyme, mais qu'on connaisse mon place. Cracher mes pensées au mic pour évacuer mon blues. Ma rage, pour moi, c'est comme si je brisais un barrage. Car si je garde ce mal en moi, je vais faire péter l'ampérage. Et à mon âge, j'ai plein de choses à faire, donc je m'interroge sur la qualité de mes phases et sur l'instru qui t'arrange. J'écris des textes comme je me masturbe, car ça me soulage. Et si tu me vois, tu diras pas que c'est un adulte qui se cache sous l'âge. Ma vie sans rap, c'est comme une vie sans femme, ou comme celle d'un toxocrate qui se retrouve sans fume. Ma vie sans rap, je présente ça par une feuille blanche. Et pour en arriver là, faut que je sois entre quatre planches. Ma vie sans rap, c'est comme un gun sans bastos, ou une France sans facho, même si on les baise tous. Ma vie sans rap, ma vie sans rap, rap, ma vie. Sans rap, c'est comme ta vie sans rap. On arrive, c'est sanglant, hey, je fais pas semblant, hey. Ma vie sans rap, c'est comme un boxeur sans gants, hey. Et ouais, ma gueule, c'est comme un chargeur sans balle. Michael Jackson sans patte, un baseballer sans patte. J'ai peine, je rappe depuis mes 16 ans. Ma vie sans rap, c'est comme 365 jours sans saison. Vas-y, passe le mic et je massacre le beat. Comme une bouteille de Sky qui me massacre le bide. Avec Atmantia, je viens d'avoir une rime de génie. Notre vie sans rap, c'est comme Dixa sans Virginie. T'as bien compris, gros, que je pourrais pas m'en passer. Ça me ferait trop mal, comme si mes deux tibias étaient cassés. Ma vie sans le rap, c'est comme la rue Saint-Denis sans pute. Ma vie sans le rap, c'est comme un match de foot sans pute. Ma vie sans le rap, c'est comme un studio sans micro. La cité Dieu sans ce pequeño et la bande des micros. Ma vie sans rap, c'est comme une vie sans femme, ou comme celle d'un toxocrate qui se retrouve sans fume. Ma vie sans rap, je présente ça par une feuille blanche. Et pour en arriver là, faut que je sois entre quatre planches. Ma vie sans rap, c'est comme un gun sans bastos, ou une France sans facho, même si on les baise tous. Ma vie sans rap, ma vie sans rap, rap, ma vie sans rap, c'est comme ta vie sans rap, ouais. Ma vie sans rap, ouais. C'est impossible parce que ma vie sans le rap, ouais. C'est comme si tu parlais des Zeppelins sans trap, ah. Au bal trap, j'extermine tous les racailleux sans trip. Et mon grip, c'est de fuser l'Amérique et ses troupes, car j'insulte Bush. Lui met mon sexe dans la bouche. Et dans un deuxième temps, j'attrape sa femme sous la douche. Jamais sur la touche, car au son je m'attache. Mes mots sont des cartouches, et quand je chante, du son me tâche. Aïe, tic tac, sur le son je m'attraque. Tous les salopards qui partent derrière ma tac et mon tic. Et loin d'être romantique, je parle de ce que j'ai vécu et non de la romantique. Je suis dépendant de ma dope, et si on me demande de faire un break avec celle-ci, c'est que là je ferai pas d'effort. C'est la seule que j'ai trouvée qui me soutienne, la seule qui me suit partout depuis Saint-Étienne. Ma vie sans rap, c'est comme une vie sans femme, comme celle d'un toxocrate qui se retrouve sans fume. Ma vie sans rap, je présente ça par une feuille blanche. Et pour en arriver là, faut que je sois entre quatre planches. Ma vie sans rap, c'est comme un gun sans bastos, ou une France sans facho, même si on les baise tous. Ma vie sans rap, ma vie sans rap, rap, ma vie sans rap, c'est comme ta vie sans rock, ouais. Dédicace, Tommy le flingueur, Dixa, à la rage crew, yo. 42e régiment, si, si, T-Ben, ok, pour le 9-1, yo. Tout le monde, tous ceux qui nous supportent, si, si. G-A-N-M-A-N-J-A.